Ça va, on a un autre. L'échec. Je vous le dis, la petite de la gueule, c'est ça. Quand je veux. C'est ça, ouais, c'est quand je veux. Personne n'en est jamais revu. Ouais, enfin, elle collectionne des cailloux. Moi, je vous le dis, les gars, ce soir, on te reverra plus. Je suis sûr, c'est jouable. Non, tu n'arriveras pas. T'as pas un conseil plutôt de pas y aller? Un vrai truc, elle aime quoi? Barry James qui brille! Rien pour un, sans embarras, dans un brouhaha, rieur brouillé à la bière. Et dans ce bar irlandais, traînait trois tournois sans vainqueur. Moi j'ai failli gagner. Qui torpillerait une bouteille entière du torboyau de la tôlière? Mais qui chaparderait la corne de brume trônant sur le plus haut clocher de la plus haute dune? Mais avant tout, qui aurait le cœur de la nymphe de la lagune? Le cœur de la nymphe de la lagune. Son monde est inondé, qu'elle immondie de l'inédit. Les diamants ne l'amadounent, ne la dénudent. Mais à la vue d'un ondoiement anodin, elle est émue. Elle maudit l'audimat, le mondain. Alors mon gars, médite tes mots et domine tes mains. Car tes minauderies n'emmèneront que son dédain. Si l'offre n'a pas d'emprise sur la nymphe du fond des eaux, y'a des cadeaux que l'avenir vampirisera. Embarrassant comme des bourreaux, mais ses barreaux se briseront dans les bras d'un Robinson qu'elle portera en roi. Et toutes ces pierres précieuses, méprisantes, c'est dans son coffre à jouets qu'elles finiront. Et un gaillard braillard partit la voir comme chaque soir. Sûr qu'en bon danseur, il saurait la séduire selon ses dires. Il savait se sortir de tout charivari. Ravivait même les corps les plus avachis. Faisait chavirer les cœurs, allait mater ce menteur. Téméraire, matador, en dama jusqu'au soir. Un marathon de tournée et l'on trinqua dans le bar. Au nom de sa future gloire. Ta santé, ma gueule. L'offre n'a pas d'emprise sur la nymphe du fond des eaux. Y'a des cadeaux que l'avenir vampirisera. Embarrassant comme des bourreaux, mais ses barreaux se briseront dans les bras d'un Robinson qu'elle portera en roi. Et toutes ces pierres précieuses, méprisantes, c'est dans son coffre à jouets qu'elles finiront. C'est dans son coffre à jouets, c'est dans son coffre à jouets, c'est dans son coffre à jouets qu'elles finiront. C'est dans son coffre à jouets qu'elles finiront. Matador parti vers la lagune, sous l'ovation criarde d'une tribune d'ivre-mort. Va savoir si cette histoire est une mise en garde. Tout ce qu'on sait, c'est que dans ce bar, depuis ce soir,